Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a qu'une façon d'échouer. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et que si tu prends tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Mais que si tu crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Car si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Hey. Je sais que je ne vais pas